Chapitre 34e. Ces mots de Marguerite, « Voilà, monsieur », annonçant l'arrivée de Jacques Bastien, au moment même où Marie apprenait qu'elle devait à David et la guérison morale et la vie de son fils, causèrent à la jeune femme une telle stupeur qu'elle resta muette, immobile et comme frappée d'un coup inattendu, car les divers incidents de la matinée lui avaient fait oublier la lettre de son mari. Frédéric, de son côté, ressentit une triste surprise. Grâce à la réserve de sa mère, il ignorait jusqu'à quel point la conduite de son père envers elle avait toujours été injuste et dure, mais certaines scènes domestiques dans lesquelles la brutalité naturelle de Jacques Bastien s'était souvent manifestée, la rudesse inintelligente avec laquelle il exerçait son autorité paternelle lors de ses rares apparitions à la ferme, tout avait concouru à rendre les relations du père et du fils d'une extrême froideur. David voyait aussi l'arrivée de M. Bastien avec une profonde appréhension. Quoique bien décidé à faire à cet homme toutes les concessions possibles, à s'annihiler devant lui afin de mériter son indifférence, il lui était pénible de penser que la continuité de ses relations avec Frédéric et sa mère dépendait absolument d'un caprice de Jacques Bastien. Marguerite précédait de si peu son maître que David, Marie et son fils étaient encore sous le coup de leur étonnement et de leurs pénibles réflexions lorsque Jacques Bastien entra dans la salle d'études, accompagné de son compagnon Bridoux, huissier à Pontbriand. Jacques Bastien, nous l'avons dit, était un Hercule obèse. Sa grosse tête, couverte d'une forêt de cheveux crépus d'un blond roux, était à peine séparée de ses puissantes épaules par un cou de taureau. Il avait le visage large, vivement coloré et presque imberbe, comme beaucoup de gens d'une nature athlétique. Le nez gros, la bouche lipue, l'œil à la fois rusé, sournois et méchant. La blouse bleue qu'il avait, selon sa coutume, par-dessus sa redingote, dessinait la proéminence de son ventre de Falstaff. Il portait une casquette de poil d'ornard à oreillère, un pantalon de velours flottant, et des bottes ferrées qu'il n'avait pas fait décrotter depuis plusieurs jours. De l'une de ses mains énormes et courtes, plus large que longue, il tenait un bâton de houx relié à son poignet par une ganse de cuir gras. Faut-il tout dire, cette espèce de mastodonte, à 10 pas, sentait le bouc. Son compère Bridoux, aussi vêtu d'une blouse par-dessus son vieil habit noir et coiffé d'un chapeau rond, était un petit homme à besicle, grêle, criblé de taches de rousseur, au regard matois, à la bouche pincée, aux pommettes saillantes, on eût dit un furet portant lunettes. À la vue de Jacques Bastien, David frémit de douleur et d'effroi, en songeant que la vie de Marie était à jamais enchaînée à celle de cet homme, qui, d'un jour à l'autre, pouvait n'avoir même plus la générosité de l'absence. Jacques Bastien et Bridoux entrèrent dans la salle d'études sans saluer. Les premiers mots que le maître du logis, le sourcil froncé, l'accent rude et courroucé, adressa à sa femme, qui se leva pour le recevoir, furent ceux-ci. « Qui a donc donné l'ordre d'exploiter ma sapinière ?»« Quelle sapinière, monsieur ?» demanda Marie, sans trop savoir ce qu'elle disait, tant elle était bouleversée par l'arrivée de son mari. « Comment, quelle sapinière ?» reprit Jacques Bastien. « Mais ma sapinière de la route, est-ce que je parle turc ?»« En passant, je viens de voir qu'on avait abattu plus d'un millier de ces sapins de bordure, les plus beaux. Je vous demande qui s'est permis de les vendre sans mon ordre ?»« On ne les a pas vendus, monsieur, » répondit Marie en reprenant son sang-froid. « Si on ne les a pas vendus, pourquoi les a-t-on abattus alors ? Qui les a fait abattre ? Moi, monsieur. Vous ?» Et Jacques Bastien, stupéfait, garda un moment le silence, puis reprit. « Ah, c'est vous. Voilà du nouveau, par exemple. C'est un peu fort de café. Qu'en dis-tu, compère Bridoux ?»« Dame, Jacques, il faut voir. » »« C'est ce que je vais faire. Et pour quel besoin d'argent, madame, m'a-t-elle fait abattre 1000 de mes plus beaux sapins, s'il vous plaît ?»« Monsieur, il vaudrait mieux, je crois, parler d'affaires lorsque nous serons seuls. Vous ne vous êtes pas sans doute aperçu que monsieur David, le nouveau précepteur de mon fils, était là ?» Et Madame Bastien, d'un regard, montra David qui s'était tenu à l'écart. Jacques Bastien se retourna brusquement et, après avoir toisé David, qui s'inclina devant lui, il dit rudement « Monsieur, j'ai à parler à ma femme. » David salua, sortit, et Frédéric le suivit, outré de la réception que l'on faisait à son ami. « Allons, madame, » reprit Jacques Bastien. « Voilà le cracheur de latin parti. Allez-vous me répondre à la fin ? Quand nous serons seuls, monsieur. » « Si c'est moi qui gêne, » dit Bridoux en faisant un pas vers la porte, « je vais filer. »« Ah ça, Bridoux, est-ce que tu te moques du monde ? Veux-tu bien rester là ?» s'écria Jacques. « puis se tournant vers Marie. « Mon compère connaît mes affaires comme toi. Or, nous parlons affaires, madame, car un mille de sapin de bordure, c'est une affaire, et une grosse, Bridoux restera donc. » « Soit, monsieur. Alors je vous dirai devant monsieur Bridoux que j'ai cru devoir abattre vos sapins afin de les donner aux malheureux gens du Val pour les aider à rétablir leur demeure à demi détruite par l'inondation. »